que de la merde. J'essaye pourtant de battre tous les jours. Je livre mon combat seulement par amour des autres. J'estompe mes fautes à chaque coup donné. On m'appellera Ali et j'entendrai boumailler. Et ça profitera à qui? Personne, je le sais. Comme ces larmes qui résonnaient, certaines n'ont pas fini de pleurer. Les clowns sont partis, il ne reste que The Way et Sidi. On s'adonne à la mort et personne apprécie. On joue avec le sort et c'est pas ma dernière partie. Le big a dérapé et des rimes par kilo. Je l'ai dit par A plus B, j'ai cru être le maestro. Et ouais, cousin, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà mort comme dernier film, il te faudra t'attendre au pire. Un mauvais rêve de ouf, une histoire de dingue. J'ai escampé mon flingue, arrêté la bringue. Je fume plus de shit et cette odeur qui schlingue. Yo, this is for motherfuckers. J'ai lâché les armes et me suis mis à pleurer. Ma vie n'a plus de charme, aucune valeur à apprécier. Je vis la mort dans l'âme, prêt à être enterré. Il me reste plus que cette force qui donne envie de rapper. J'ai lâché les armes et me suis mis à pleurer. Ma vie n'a plus de charme, aucune valeur à apprécier. Je vis la mort dans l'âme, prêt à être enterré. Il me reste plus que cette force qui donne envie de rapper. Mon stylo quitte mes pas et ma voix mon combat. Plus les mots sont purs, la rythmique fait peur. Que le showbiz s'assure, cette fois-ci je serai à l'heure. Plus ma vie est dure, c'est elle qui régule mon humeur. Qui est de plus en plus pourri pour rien. Plus j'avance, j'ai l'impression de reculer dans cette vie de chien. Je suis celui qui a la rage. Mes frères, mes amis oublient en fumant du shit, c'est bien plus sage. On vit en marche du carnage en se bouffant le neurone. On se plaint du voyage, on aimerait devenir des hommes. Normaux, métro, boulot, dodo, crédit, chéri, petit. Qui a la même tête que moi, qui vit les mêmes choses que moi. Ah non, arrête, plutôt me mettre une balle dans la tête. Parfois je me rends pas compte de la chance que j'ai. J'exerce tout ce qui compte pour moi, mais personne le sait. Gagne la foule et tu gagneras ta liberté. Si ce soir j'ai les boules, c'est forcément que je me suis manqué. Je fais naître en toi la chair de poule et ton cœur va se réchauffer. Moi je chante pas du funky qui saoule, y'a trop de choses à dénoncer. Trop de choses à dénoncer, trop de choses à dénoncer. J'ai lâché les armes et me suis mis à pleurer. Ma vie n'a plus de charme, aucune valeur à apprécier. Je vis la mort dans l'âme, prêt à être enterré. Il me reste plus que cette force qui donne envie de rapper. Elle est devenue ma cam qui éclaircit l'obscurité. Réanime la flamme, c'est pas le moment de se défiler. Donne-toi le choix des armes. Y'a une pente à remonter, ça fait 10 ans que je rame. Et je suis pas prêt d'abandonner. J'ai lâché les armes et me suis mis à pleurer. Ma vie n'a plus de charme, aucune valeur à apprécier. Je vis la mort dans l'âme, prêt à être enterré. Il me reste plus que cette force qui donne envie de rapper. Elle est devenue ma cam qui éclaircit l'obscurité. Réanime la flamme, c'est pas le moment de se défiler. Donne-toi le choix des armes. Y'a une pente à remonter, ça fait 10 ans que je rame. Et je suis pas prêt d'abandonner.